glacé, secret, sucré, cet espionnant jet. Secret, glacé, secret, sucré, sous-marin soviet. Secret, glacé, secret, sucré, d'un baiser codé. Top secret, bon baiser. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Farwell, notre invité Jacky Debin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été pendant 9 ans sous-directeur du contre-espionnage à la DST, vous avez été avec Raymond Nart, les architectes et les contrôleurs de l'affaire Farwell, et vous avez écrit tous les deux un livre intitulé « L'affaire Farwell, vue de l'intérieur » aux éditions Nouveau Monde. Alors, est-ce que cette affaire Farwell est, comme on l'a affirmé ici, comme beaucoup l'affirment, à votre avis, l'affaire d'espionnage la plus retentissante de cette période qu'on appelle la guerre froide? Oui, je pense effectivement que c'est l'affaire majeure de cette époque, dans la mesure où elle nous a permis de recueillir des tas de renseignements sur l'espionnage soviétique, mais également sur l'organisation, c'est peut-être encore plus important, sur l'organisation de l'espionnage soviétique avec la VPK. Effectivement, nous avons découvert que l'espionnage soviétique, ça n'était pas seulement le KGB et son petit frère militaire, le GRU, mais que c'était tout un ensemble d'organismes de l'Union soviétique. Et c'était un petit peu logique, c'était un régime totalitaire et tous les organismes de l'État étaient obligés de se plier au désiderata du KGB. Bien sûr. Et vous, en tant qu'espion, plutôt que maître contre-espionnage, oui, est-ce que vous vous êtes dit, allez, très franchement entre nous, ils sont forts quand même, ou pas? Au contraire, ils sont pas forts, parce qu'ils étaient forts, on n'aurait pas découvert tout ça. Non, je pense qu'on n'avait pas, on n'avait effectivement pas d'illusion sur la capacité du KGB et du GRU à mener des opérations d'espionnage à l'étranger. Absolument pas. Les Américains, peut-être plus que nous, puisque il ne faut pas oublier que 74% de ce qui avait été pillé à l'Ouest c'était des produits américains. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensuite avec les Américains sur l'exploitation de ces documents. Bien sûr. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne représentait à peu près 8% de l'ensemble de l'espionnage soviétique à l'époque. Et ce qui a pu faire dire par la suite à des gens mal intentionnés que c'était une affaire en fait américaine, que la France, petit pays, la DST, petit service, n'était pas capable de mener une telle opération à Moscou. Bon, en tout cas, et comme l'a dit à l'époque Raymond Nart, qui est co-auteur de ce livre avec vous, il a dit que c'était quand même inespéré pour la DST quand même, cette affaire-là. Quand vous l'avez reçu, est-ce que vous l'avez reçu comme quelque chose d'effectivement d'inespéré? Ah oui, effectivement. Ah, on est bien d'accord quand même. Oui, je me souviens, c'est moi qui ai reçu les premiers documents. Raymond Nart était grippé, il était chez lui. Bon, je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit, tiens, toi bien. Il est revenu immédiatement et sans bien parler russe, on voyait très bien que ces documents étaient des documents secrets et qu'ils portaient sur des, disons, sur des fournitures qui étaient extrêmement sensibles. Et puis en plus, nous avions le plan de recherche sur 2 ans, puisque l'espionnage, ce ne sont pas des gens qui se promènent dans la nature un petit peu au hasard. Ils ont des... J'imagine. Ils ont des consignes très très précises qui figurent dans un plan de recherche. Plan de recherche qui nécessite d'ailleurs déjà des opérations d'espionnage pour savoir à quel endroit on doit chercher tel ou tel produit et quelle est la personne que l'on doit contacter. Et ensuite, les résultats de l'espionnage, donc je dirais l'exécution de ces plans de recherche. Vous êtes donc dit, quand vous avez découvert ça, que c'est formidable de pouvoir avoir le témoignage de l'intérieur. C'est pour ça que votre livre est passionnant et l'interview aussi, j'espère. Vous êtes dit, mais c'est de la bombe, c'est un énorme truc. Tout de suite, vous avez compris tout de suite que c'était énorme. Ah oui, absolument. Lorsque nous sommes allés voir Marcel Chalet, directeur patron, avec Raymond Nart, Raymond Nart lui a dit, sur le bureau du directeur de la DST, aujourd'hui je dépose des documents qui viennent du cœur du KGB. Et Marcel Chalet a dit tout de suite, il n'a pas mis en doute ce que nous lui disions. Et il a pensé tout de suite à la suite de l'histoire. Il nous a dit, oui, c'est une affaire importante, peut-être pas aussi importante que l'affaire Penkovsky, mais c'est une affaire très importante. Et j'ai immédiatement pensé qu'il avait tort. Que c'était une affaire beaucoup plus importante que l'affaire Penkovsky. Penkovsky était un officier de GRU, du service militaire, et donc qui avait passé des documents à l'Ouest, alors que là, il s'agissait de documents qui venaient du KGB. Le KGB qui, non, en dehors de ses propres opérations, était chargé de rassembler le produit de l'espionnage des différents organismes soviétiques, mais également des pays frères, oui, des pays du pacte de Varsovie. Donc, tout se concentrait au KGB. Alors, dans cette affaire, les Français ont toujours affirmé n'avoir rien payé à Vetrov, juste quelques cadeaux. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, absolument. Non, il n'a pas du tout travaillé pour l'argent. Quelques cadeaux, c'est lui qui nous demandait, par exemple, un magnétophone pour son fils, un manteau pour sa maîtresse. Enfin, on était d'ailleurs... On était un petit peu partagé parce que ça pouvait révéler ses contacts avec l'Ouest. Mais comme à Paris, il avait un petit peu trafiqué quand on avait besoin de quelque chose à l'ambassade, on s'adressait à Vladimir. Donc finalement, ça pouvait quand même passer. Non, il n'a absolument pas travaillé pour de l'argent. Deux choses. Il n'a pas travaillé pour de l'argent et il n'a jamais voulu quitter l'Union soviétique. Quelle analyse vous en faites? Alors, c'est probablement intime, ça lui appartient, mais des vraies raisons pour lesquelles il a trahi son pays. Est-ce que sa francophilie, est-ce que son passage à Paris pourrait expliquer cet amour de ce pays, la France? Mais c'est peut-être pas suffisant quand même. Non, il avait un contact à Paris et puis il nous a dit tout de suite, je me suis adressé à la DST parce que la DST n'est pas pénétrée. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'avait pas... Ah, je comprends ce qu'il veut dire, mais pourquoi il dit ça? Il nous dit ça tout simplement pour expliquer pourquoi il s'est adressé à la DST. Ouais, d'accord. Et puis enfin, c'est une question qu'on lui avait posée aussi, parce qu'il avait été en poste à Paris, donc c'était intéressant de le savoir. Bon, alors est-ce que la deuxième motivation correspond bien à celle qu'on a exposée dans le récit? C'est-à-dire qu'en fait, c'était un type qui considérait que le KGB n'avait pas reconnu ses capacités, quoi, qu'il était maltraité en gros, et qu'il leur en voulait. Oui, absolument. Je ne le vois pas à l'origine hostile au régime, ouais, lui-même. Ouais. Il était hostile à la façon dont on le traitait, ouais, dont on le traitait, et dont ça allait beaucoup plus loin, à la décadence du régime. Ouais. Et cette décadence était déjà très sensible au sein du KGB. Le KGB, c'était le fleuron de l'Union soviétique. Ça servait à tout, le KGB. C'était les affaires étrangères, c'était l'ENA, c'était également la recherche scientifique. Enfin, c'était absolument capital. Et voir dans quel état de décrépitude était le KGB, c'est quelque chose qui lui faisait mal. D'ailleurs, il avait écrit un mémorandum pour expliquer ce qu'il voyait, ce qu'il n'allait pas, etc., etc. On l'avait bien sûr mis tout de suite dans un tiroir. Bon, alors, on le dit beaucoup, cette affaire Farwell a été du pain béni pour François Mitterrand, pour se rapprocher des Américains. On dit beaucoup que lorsque François Mitterrand a donné toutes ses informations à Ronald Reagan, au sommet d'Ottawa, Reagan l'a cru tout de suite. Apparemment, non, Reagan est resté méfiant, il a fallu que la CIA lui dise « Oui, ce que les Français nous ont transmis, c'est du lourd, c'est bien. » Oui, depuis, par la suite, les Américains nous ont même dit que Reagan n'avait rien compris. Bon, il n'avait pas saisi l'importance du truc, quoi. Non, mais il avait Bush. Oui. Qui lui. George, qui était vice-président, qui deviendra président après. Oui, d'accord. Qui avait passé, je crois, un an à la CIA, qui connaissait bien les problèmes. Oui, qui avait été directeur de la CIA. Bush a bondi immédiatement lorsque Marcel Chalet est allé le voir avec les documents et. Il a envoyé plusieurs hélicoptères pour aller chercher certains de ses collaborateurs. Enfin, les directeurs des autres services de renseignement américains, parce qu'ils ont aussi plusieurs services de renseignement, bien sûr. Bon. Alors, vous avez vu, vous, François Mitterrand, vous êtes allé dans son bureau pour lui parler de cette affaire-là. Oui, alors, par la suite, pour rendre compte. Ouais. Bon, comment vous avez senti le président de la République, le président Mitterrand, par rapport à cette affaire-là? Vous sentiez que c'était important pour lui? Comment il en parlait? Comment ça se passait? C'était un personnage assez secret. Qui était toujours, je pense, un peu méfiant vis-à-vis des services de renseignement. Il lui arrivait, par exemple, quand il avait besoin de renseignements venant de la DST, de contacter un de ses amis et de lui dire « va demander à la DST ce qu'ils en pensent ». Donc, c'est assez difficile de définir son attitude, mais il est sûr que cette affaire, pour lui, a été une bénédiction du septennat. Hein. Bien sûr. Et Vetrov, quel bonhomme c'était ? Alors, Vetrov, moi je m'en fais une idée à travers les personnes qui l'ont côtoyé, notamment... Vous l'avez jamais côtoyé directement ? Non. Mm-hmm. Non, moi j'étais pas encore à la DST quand il était en poste à Paris. Non, et notamment à travers Patrick Ferrand, donc, était son officier traitant, qui était très attaché à... Il disait c'est un personnage très attachant. Alors... Effectivement, Vetrov, c'est quelqu'un qui a perçu la décrépitude, la décadence de l'Union soviétique. Et ça dépassait très largement le KGB. Et donc, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était effectivement vexé. Vexé, non, enfin, peut-être du sort qui lui avait été réservé au sein du KGB, mais surtout parce qu'on ne l'écoutait pas. Ah, voilà. Lorsqu'il disait, voilà, ça va mal, le népotisme, l'alcoolisme, etc., il était bien placé pour en passer parce que on lui envoyait pas d'argent, mais on lui envoyait des bouteilles de cognac. C'était lui qui nous demandait du cognac en disant, bon, je vais aller faire boire, ils vont me raconter des choses. Donc, voilà comment ça se passait. Et puis, c'était quelqu'un qui était, je dirais, excessif. Et dans quel sens ? S'il n'avait pas été excessif, je pense que, ça n'aurait pas été Farwell. Hein. Excessif en ce sens qu'il a pris des risques. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Oui. Il a payé de sa vie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me parler quand même du travail de M. Ferrand? Parce que c'est important quand même. Ah, absolument. Ah. Ferrand n'était pas... On dit dans le reportage que c'était un espion. Non, pas du tout. Non, c'était un militaire, simplement. Que Raymond Nart avait rencontré et qui lui a fait vraiment une excellente impression. En plus, il connaissait le russe, il était en poste là-bas. Marcel Chanet nous avait dit, il faut recruter quelqu'un au Quai d'Orsay. Bon, Raymond Nart a dit, moi j'ai quelqu'un que je connais là-bas. Et lorsque c'était l'amiral Lacaze, lorsqu'on en a parlé à l'amiral Lacaze, qui était chef d'état-major des armées, il nous a dit, mais vous avez vu, qui c'est Ferrand? Pour passer inaperçu, il y a mieux. 1m90, enfin, bon, et puis militaire. Il a été absolument remarquable. Parfait. Il a fait des risques, n'empêche. Effectivement, il a pris des risques. Alors, son rôle, il faut bien préciser son rôle, finalement, ça a été de parler avec Farwell. Farwell ne lui remettait pas de documents. Oui, d'accord, il n'a pas transporté de documents. Non. De parler avec lui, Farwell voulait entendre le parler français. Ouais. Et il voulait discuter avec quelqu'un de l'Ouest. Et en fait, les documents passaient par l'épouse de Patrick Ferrand, qui était extrêmement courageuse et efficace. Grand rôle qu'on ne voit pas tellement dans le film, d'ailleurs. Le film Farwell, qui est bien, hein, mais... Le film Écarion, non, qui est bien, non. Mais on ne voit pas beaucoup, pas tellement son rôle, quand même. Oui, oui, oui, je lui ai reproché, d'ailleurs. Je lui ai dit, écoutez, vous aviez une héroïne, une véritable héroïne, alors pourquoi ne pas l'avoir mise plus que ça en lumière? Bon. Alors, toute dernière chose sur Farwell, après on parlera de la Russie d'aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, vous, le service de contre-espionnage, enfin, les Français, de l'avoir laissé tomber? Farwell? Ouais. Que voulez-vous faire? Si on s'occupait de lui, c'était la preuve que on était en contact, en contact avec lui. Et puis, que faire? La seule chose qu'on aurait pu faire avant, c'est l'exfiltrer, le faire sortir. Oui. Mais là, c'était fini. Et puis, bon, quand je parlais de caractère tout à l'heure excessif, il y a effectivement les relations avec sa maîtresse, ce qu'on ne sait pas encore très exactement, c'est le rôle exact qu'elle a joué, mais elle était au courant de sa trahison. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a voulu le faire chanter. Oui. Bon, aujourd'hui encore, la guerre secrète, on va dire ça comme ça, continue avec les Russes de Monsieur Poutine. On va écouter cette archive sur cette dernière tentative d'assassinat de l'ancien espion et agent double Sergueï Skripal et de sa fille Yulia. C'était le 4 mars de cette année, c'était dans la petite ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Et à la une de la presse britannique, le visage de deux hommes présentés par Scotland Yard comme les auteurs de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. Les assassins souriants de Poutine accusent ce matin The Daily Mail avec une image qui est extraite d'une vidéo de surveillance montrant effectivement deux hommes. Ils auraient été filmés à Salisbury le 4 mars dernier, c'est-à-dire dans la ville et le jour même où Sergueï Skripal et sa fille Yulia ont été empoisonnés au Novichok. D'après Scotland Yard, ces deux hommes seraient deux ressortissants russes. Londres les accuse d'appartenir à l'agence de renseignement militaire russe, le GRU. D'après The Guardian, Theresa May parle d'une opération qui aurait été télécommandée, selon elle, par le Kremlin. Et selon The Times, la première ministre britannique promet désormais de se venger de la Russie et aurait ordonné notamment une cyberguerre contre les réseaux informatiques militaires russes. Jackie Demain, on a passé une archive sur les Russes et leur FSB, GRU. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les services secrets russes sont redoutables, parmi les plus redoutables, peut-être les plus redoutables en ce moment? Oui, on se croirait revenu au temps de la guerre froide avec le SMERSH qui était chargé, mort aux espions, qui était chargé d'exécuter les traîtres. Ouais. Et bon, on note effectivement que c'est le GRU, c'est pas le KGB qui est dans cette affaire, c'est-à-dire le service militaire. Moi, je me suis interrogé au début sur, disons, les avantages que ces affaires pouvaient avoir pour Vladimir Poutine. Et on m'a convaincu qu'effectivement, c'était des affaires qui étaient des affaires absolument exemplaires. Poutine ne tolérait aucune trahison dans ses services. L'ancien colonel, lieutenant-colonel du KGB a encore de bons souvenirs. Alors en France, je voudrais en profiter pour rappeler aux auditeurs, parce qu'on peut s'y perdre, l'organisation des services de renseignement français aujourd'hui. Alors on a deux grandes branches. On amène une troisième avec le ministère des Finances, mais on va s'intéresser aux deux grandes branches, armée et intérieure. Hein. Donc, sous la tutelle du ministère des Armées, vous avez la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, très connue, chargée de l'espionnage et du contre-espionnage à l'extérieur du territoire national. Et puis, vous avez la Direction du Renseignement Militaire, chargée du renseignement tactique et stratégique sur les théâtres et futurs théâtres d'opération de l'armée. Et puis, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, nous avons aujourd'hui la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, chargée du contre-espionnage et de la lutte antiterroriste, et puis le Service Central du Renseignement Territorial, le SCRT. Est-ce que, selon vous, la plus grande réforme des services de renseignement français, c'était la disparition des RG? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Est-ce que ça a vraiment remis en cause l'architecture de nos services de renseignement? Non, moi je pense qu'effectivement, les RG, on est en train de les reconstituer avec la police territoriale à l'heure actuelle. Finalement, c'est... Oui, alors les RG, pour nous, c'était un service qu'on appréciait beaucoup, parce que ils étaient chargés du renseignement économique, social, à l'intérieur. Toute mission que dans différents pays, je pense au Canada, je pense à l'Allemagne par exemple, on risque de confier au service de contre-espionnage, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc l'existence des RG pour nous était une bénédiction, ça nous permettait d'être déchargés, disons, de cette tentative de nous instrumentaliser sur le territoire national. Pour le reste, rien n'a changé, la DGSI est compétente sur le territoire français, et la DGSE à l'extérieur. Bon, ceci étant, avec un bémol quand même, parce que la DGSI ne pourrait pas opérer sur le territoire français sans avoir des éclairages à l'étranger. Et ça, c'est le rôle des liaisons avec les services homologues. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jacques Debin. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Farwell, bien sûr, mais ce qui est important, c'est Vu de l'intérieur. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Farwell donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Clément Vuille qui était à la technique aujourd'hui.